chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. On vous offre le F-150 neuf à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 5 000 $ en valeur totale, incluant 2 500 $ en allocation et livraison. Les membres Costco admissibles reçoivent aussi un rabais de 1 000 $. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Là où l'expérience est inégalée, toute notre équipe vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multi-concessionnaire. C'est la chronique de la Ligue du Lac au Fleuve avec notre ami Mathieu Garon. Salut Mathieu. Mathieu, en fin de semaine, c'était l'ouverture ici même à Dolbeau du multiconcessionnaire. Ça a été un match extrêmement serré. Oui, effectivement. On a eu un très beau match là, à Dolbeau. Donc, ça finit en fusillade. On a vraiment montré là, qu'on a des clubs compétitifs là, entre Charleroi et Dolbeau. Sauf que cette année, on devrait avoir une petite rivalité entre les deux. Suite aux séries l'année passée. Ben oui. Ça aurait pas pire à ce niveau-là. OK. Donc, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? J'avais eu les chiffres, là. C'est 100 spectateurs qu'il y a eu, là, à la rampe. 100 spectateurs payants? Probablement. OK, OK. Et dans l'autre match, c'était une autre équipe d'une rivalité, Jonquière contre Forestville. Oui, effectivement. Donc, c'était Forestville qui visitait Jonquière. On a eu à peu près 250 qui étaient là à Jonquière au foyer des loisirs. C'était un match quand même très bien là, au niveau des deux équipes, surtout en première période. Première et deuxième période, ça a super bien été. Mais par contre, en première période, ça a été un peu plus difficile du côté de l'autre côté. Mais j'ai pris des commentaires un peu de chaque intervenant qui était là, qui sont super contents un peu de leur performance, qu'ils ont pu offrir là. Fait qu'ils vont pouvoir justement se reprendre lors des prochains matchs. Okay. En fin de semaine, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la Ligue du Lac au Fleuve? En fin de semaine, on a 3 matchs au calendrier. Le premier match, ça va être vendredi soir, donc la MGR Express visite Charlevoix pour le match d'ouverture à la Grande Clermont. Ça va être également aussi la remise des bannières aussi des champions de la série de l'année passée. Par la suite, le lendemain, on se déplace à Forestville. Dolbeau vont visiter Forestville jusqu'à la région Haute-Côte-Nord. Et par la suite, le lendemain, dimanche, Dolbeau s'en va à Charlevoix pour l'affrontement du dimanche après-midi. OK. Donc, on se reparle la semaine prochaine, Mathieu? Exactement. C'est la chronique de la Ligue du Lac au Fleuve avec Mathieu Gare.